Chapitre 13e. Situation commerciale de Saïgon et de la Cochinchine. En Cochinchine, à Saïgon surtout, le commerce et l'industrie tiennent une place considérable. L'industrie est à peu près complètement entre les mains d'Européens. Le commerce et la banque appartiennent en grande partie aux Chinois et aux Malais. Il est fort regrettable que le qualificatif de français ne puisse ainsi leur être appliqué exclusivement. La Cochinchine, parmi nos possessions d'Extrême-Orient, paraît la plus propre à une francisation rapide. Notre civilisation, nos mœurs sont acceptées mieux encore qu'imposées. Nous sommes fortement établis au-delà d'un grand fleuve, c'est-à-dire aux portes d'une région dont la population atteint 20 millions d'habitants et qui étend son influence sur de nombreux peuples à demi barbares et destinés par la force des choses à entrer avec nous dans la voie des échanges commerciaux et à subir notre attraction civilisatrice. Le Mékong, dont les nombreuses ramifications rayonnent en tous sens à travers des contrées fertiles, est un puissant auxiliaire de pénétration. Jusqu'au-delà du grand lac du Cambodge, toute une flotte y sillonne à intervalles réguliers les bras innombrables du fleuve. Bientôt, sur le haut Mékong, au-delà des rapides de l'île de Kon, un service de navigation va permettre de montrer notre pavillon et de faire pénétrer nos produits au sein même du Laos jusque dans sa capitale, Luang Prabang. En effet, un chemin de fer à voie étroite transbordera les marchandises et réunira aisément la ligne commerciale du bas fleuve à la voie du haut Mékong qui, en amont des rapides, traverse un grand pays peu développé mais susceptible, grâce à la richesse du sol, de devenir riche et prospère. M. Pavi, notre consul général à Bangkok, a parcouru pendant de longues années ces hautes régions. Il s'est efforcé d'apprendre à ses populations à aimer la France. Nous sommes en droit d'espérer, dans un avenir prochain, un vaste champ au déploiement de notre activité. Saïgon est naturellement le port où se centralisent toutes les opérations commerciales, et le mouvement de navigation de ce port est en rapport étroit avec la prospérité des régions auxquelles il sert de débouché. L'année dernière, le rapport général sur les statistiques des douanes enregistrait l'entrée dans le port de Saïgon de 160 navires français, jaugeant 216 231 tonneaux, et de 326 bâtiments étrangers, jaugeant 308 707 tonneaux, ce qui donne pour les entrées un total de 486 navires et de 524 938 tonneaux. Le total général des sorties des bâtiments français et étrangers s'est élevé à 481 navires, jaugeant 521 884 tonneaux. Il est hors de doute qu'un mouvement de navigation d'un millier de navires, jaugeant millions de tonneaux, est un résultat considérable. Si l'on tient compte que ce mouvement suit une marche ascendante, on a lieu d'espérer beaucoup de notre colonie déjà en plein âge mûr. Le relèvement appréciable de la situation commerciale est dû, en partie, à d'excellentes récoltes successives de riz dans tout le pays. La Cochinchine, qui lutte courageusement pour sortir de la situation difficile qui lui est faite depuis plusieurs années, par la subvention qu'elle sert au Tonkin, voit enfin son avenir se colorer et son état s'améliorer. La situation commerciale intérieure s'est définitivement liquidée, dans des conditions désastreuses, il est vrai. De nombreuses faillites ont bouleversé le monde des affaires et amené des crises dont les commerçants chinois et les banquiers malais ont eu à souffrir plus que les Européens. Cependant, le marché de Saïgon est aujourd'hui à l'abri du retour des catastrophes qui l'ont si fortement éprouvé, et l'équilibre, qui avait été brusquement détruit, est à peu près rétabli. Le Cambodge, dont le commerce d'importation et d'exportation transite forcément par le Mékong et Saïgon, est en pleine prospérité. Les relations de trafic de ce pays s'étendent jusque dans le haut Laos et au cœur du Siam. Dans ces régions lointaines, la situation est délicate, parfois difficile, comme le démontre trop brutalement les faits de piraterie qui ont ému récemment tous ceux qui ont souci de notre expansion pacifique, et il serait regrettable, au premier chef, d'être contraint, pour l'honneur du pavillon, à une répression violente et à main armée sur tout un pays. Une telle extrémité arrêterait pour plusieurs années le développement de contrées rapidement ruinées par une guerre, quelque courte qu'elle soit. J'estime qu'il appartient à une politique habile, à une diplomatie éclairée, d'amener, sans coup férir, le gouvernement de Bangkok à faire prompte et bonne justice et à débarrasser nos frontières coloniales de pillards et de bandits que nous avons eu parfois grand tort de ménager. L'école, déjà longue, faite au Tonkin, doit indiquer le mode de procédé. Le commerce extérieur de la Cochinchine comprend le trafic propre à la colonie, les importations à destination du Cambodge et pays voisins s'approvisionnant en Cambodge, ainsi que l'exportation des produits de ces pays. En 1892, les importations atteignent le chiffre de 37 613 879 francs et les exportations montent, non compris le numéraire, au chiffre de 53 704 846 francs, ce qui donne un total général de 91 millions de francs pour le commerce de la Cochinchine française. Le plus gros chiffre des importations est donné par les ouvrages en métaux. Il atteint 18 millions de francs, tandis que les farineuses alimentaires et surtout les riz viennent en tête des exportations avec un total de près de 43 millions. Le riz est en effet la richesse de la Cochinchine et, je crois pouvoir le dire, la seule vraie richesse du pays. Aussi bien, tout le commerce, toute l'industrie de la Cochinchine gravite autour de ce produit. La récolte est-elle abondante, toutes les branches de commerce fleurissent. Au contraire, les pluies tardent-elles à venir féconder les rizières, les anamites cultivateurs, pressurés par les Chinois qui font avec usure la banque du riz, demeurent dans un état voisin de la misère. La culture du riz tient, chez ces populations, la plus large part. C'est celle qui demande le moins de travail et qui donne le plus de profit. Ce double avantage est certes fort tentant et des gens moins paresseux que les anamites s'en accommoderaient. Malheureusement, cette culture ne peut fleurir en France. Il faut chercher ailleurs que chez nous la résolution du problème économique et agricole. Le riz ne se cultive que dans des rizières à peu près naturelles, fécondées par une chaleur humide. Hélas, nos cultivateurs de France, à défaut d'un produit si facile et si rémunérateur, continueront à peiner et à chercher le trésor du bon La Fontaine. Le principe qui conseille de cultiver autant que possible dans un pays les produits qui peuvent s'y récolter n'a pas toujours été considéré comme une vérité indiscutable, et de nombreux colons européens, surtout français, ont tenté la fortune en Cochinchine avec des cultures qui n'avaient pas grande chance de donner d'excellents résultats. C'est ainsi que beaucoup d'entre eux ont essayé vainement de planter en grand la canne à sucre et se sont ruinés à la peine. Le riz seul nourrit largement son homme et enrichit tous ceux qui le prennent comme base de leur négoce. Les Chinois, disais-je plus haut, font la banque du riz en Cochinchine. En effet, les courtiers chinois parcourent les provinces, offrant aux anamites cultivateurs l'argent, les outils, les bêtes de somme indispensables pour mettre les rizières en bon état de rapport. Au moment des semailles, c'est le Chinois encore qui fournit le grain nécessaire à l'ensemencement. L'anamite est si indifférent qu'il néglige de conserver d'une récolte à l'autre les quelques sacs de riz dont il a besoin pour de nouvelles semences. Les fils du ciel, qui ne sont point descendus en Cochinchine en vain, savent à merveille profiter de la négligence insurmontable de ces populations et sans se livrer à aucun travail, ils recueillent, grâce à leurs prêts usuraires, la presque totalité des bénéfices lorsque la saison a été favorable. Il est vrai que ces remarquables banquiers courent des risques. Une année malheureuse entraîne pour eux une perte énorme. Les avances qu'ils ont faites sont englouties et le seul espoir est de retrouver rapidement des années meilleures qui les dédommageront dans une large mesure. Le procédé chinois me paraît digne de retenir au plus haut point notre attention. Nous sommes en présence de gens qui ne se livrent à aucun travail matériel et qui, par la seule activité intellectuelle, par leur flair, par leur audace à aventurer des capitaux, font des fortunes rapides et drainent vers la Chine l'argent de notre colonie. Ce que font ces hardis banquiers, qui parfois n'hésitent pas à risquer 1000 pour gagner 100 presque à coup sûr, pourquoi ne le ferions-nous pas? Le taux que réclameraient nos banques agricoles serait sans doute moins usuraire. Par conséquent, les risques deviendraient moindres et tout le monde trouverait son compte. Et encore, s'il m'est permis d'aventurer une proposition, pourquoi ne ferions-nous pas en Cochinchine un essai de culture administrative pour ainsi parler? L'administrateur de l'arrondissement fournirait aux cultivateurs de son ressort, moyennant un loyer proportionnel à la récolte, les outils, les buffles de labour et les semences. Les riz seraient ensuite livrés dans des magasins centraux établis dans chaque province, et là viendraient s'approvisionner les marchands chinois ou autres. On supprimerait ainsi la foule des intermédiaires qui enlèvent aux vrais travailleurs et au pays même la totalité des bénéfices. Le riz, selon le terrain où il est repiqué, produit une espèce particulière. on compte ainsi plus de 200 espèces différentes, dont les plus estimées sont celles du Gokong et du Vinglong, sur le grand bras du Mekong. La quantité produite dans la colonie se chiffre par plus de 9 millions de picules. Le picule représente 60 kg environ et vaut en moyenne $1 le picule. L'exportation atteint le chiffre considérable de 6 millions de dollars. Au même titre que le commerce, les industries sont d'autant plus prospères qu'elles se rapprochent davantage de la culture du riz. L'industrie de décortiquerie et de blanchisserie de riz ne fait que croître, au détriment sans doute des petits décortiqueurs indigènes. Cependant, le développement des vastes usines européennes, qui occupent un grand nombre d'employés annamites, sans chômage et sans à-coups, est du meilleur effet. Il y a 5 ou 6 usines pour cette industrie, tant à Saïgon qu'à Cholon. Elles sont toutes prospères et préparent la totalité des riz d'exportation. Mais il y a place pour de nombreuses autres manufactures du même genre. Lorsque la récolte est abondante, il arrive que des gerbes de riz moisissent dans les rivières en attendant les jonques chinoises qui doivent les enlever, car l'annamite, la récolte achevée, considère sa tâche comme remplie et n'a garde de se donner la peine de charroyer lui-même ses produits à la ville prochaine. Il attend. Chose bien curieuse, il n'existe pas dans la Cochinchine française une usine de tissage, de telle sorte que les riz étant mis dans des sacs, comme chacun sait, après leur préparation, les industriels doivent se procurer ces sacs à Hong Kong ou à Singapour. Certes, les plantes textiles ne manquent pas dans la colonie même. Et j'estime qu'une usine de tissage aurait la faculté d'enrichir rapidement ses actionnaires. Mais la difficulté est de trouver des actionnaires pour nos pauvres colonies françaises qui ne demandent que quelques capitaux et un peu de confiance pour devenir riches. Ainsi s'achève Saïgon en 1890 par Pierre Barrelon.